Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Tu dois réaliser combien Dieu est bon. Mon frère, regarde aujourd'hui, tu respires. Il y a combien ceux qui sont dans les hôpitaux, ils sont dans les soins intensifs. Pourquoi tu dois être triste comme ça? Tu ne vois pas la bonté de Dieu. Tu ne vois pas comment le Seigneur pourvoit tes besoins. Aujourd'hui, tu as une maison. Aujourd'hui, Dieu t'a fait une grâce d'être marié, d'avoir des enfants. Pourquoi est-ce que tu ne reconnais pas la bonté de Dieu? Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. Nous allons lire Romains chapitre 11, 11 à 36. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons donc Romains 11, 11 à 36. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement à la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Or, si les premiers sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fisse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Et de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier? Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés en ce qui concerne l'évangile. Ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles et siècles. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce texte. La première vérité, c'est que la chute d'Israël a rendu le salut accessible aux païens. Et ça, nous devons réaliser cette grâce de Dieu. Israël est le peuple élu de Dieu. Mais ils ont désobéi à la loi divine. Ils ont rejeté le Messie, c'est-à-dire ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme leur sauveur, comme leur Seigneur. Ils ont crucifié le Messie, celui qui est venu pour leur salut. C'est ce qu'on appelle la chute d'Israël. Mais Dieu a permis cela pour que le salut soit accessible. Lorsque, par exemple, nous lisons les Actes des Apôtres, nous allons nous rendre compte que l'apôtre Paul a été rejeté quand il voulait prêcher l'évangile dans les milieux des Juifs. Et il a dit, bon, comme vous me rejetez, je vais me tourner maintenant aux non-Juifs. Et c'est ainsi qu'un homme comme Paul, il a commencé à évangéliser de villes ou de pays non-Juifs comme Corinthe, comme Galate, comme Thessalonique, vous voyez toutes ces régions-là. Et jusqu'à nous, qu'on appelle païens, l'évangile nous est parvenu de telle sorte que maintenant, en croyant en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. C'est pourquoi Paul dit ici, au verset 11, « J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché, loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fissent exciter à la jalousie. » Et il dit encore, verset 12, « Leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens. » Et il utilise une image. Il dit que nous sommes comme l'olivier sauvage. Vous voyez? Et les branches, Israël constitue l'olivier naturel. Quelques branches ont été hantées, c'est-à-dire ils ont été coupées. Ceci représente l'endurcissement, l'incrédulité d'Israël. Ils ont été hantés, quelques branches ont été coupées pour que nous sommes comme l'olivier sauvage, pour que nous soyons hantés, vous voyez. Et ça, c'est une grâce. C'est pourquoi nous ne devons pas nous glorifier en disant que bon, Dieu a rejeté Israël pour que nous soyons hantés. C'est pourquoi il dit ici, au verset 17, « Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant de sa nature et de la graisse de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. » Donc nous ne devons pas nous glorifier parce qu'aujourd'hui nous sommes chrétiens, nous sommes sauvés. C'est vraiment une grâce divine. Mais nous devrons au contraire marcher dans la crainte de Dieu. Au verset 20, il est dit, « Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. » Deuxième vérité concerne la nature ou le caractère de Dieu. Ici, il y a deux choses qui sont révélées sur Dieu. Il est à la fois bon, il est à la fois sévère. Donc, Paul parle de la bonté et de la sévérité de Dieu. Nous devons avoir toujours de l'équilibre entre les deux choses. Aujourd'hui, il y a des gens qui aiment toujours parler du bon Dieu. Il est bon Dieu, mon ami. Toi, tu t'adonnes toujours au péché, au mensonge, à la magouille. Tu dis, il est le bon Dieu. Mais nous devons nous rendre compte, il est bon, mais il est aussi sévère. Vous voyez? Il est dit au verset 21, « Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, c'est-à-dire Israël, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. » C'est-à-dire qu'il a été sévère avec son propre peuple, le peuple de l'Alliance. Il a été sévère avec eux. Mais il dit, « Et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. » La bonté de Dieu se manifestait en nous, en ce que nous qui étions des oliviers sauvages, c'est-à-dire nous ne faisions pas partie du peuple de l'Alliance. Et il nous a fait grâce aujourd'hui quand Jésus-Christ, nous devenions maintenant son peuple. Vous voyez la bonté de Dieu. Mais nous ne devons pas abuser de cette bonté. Il dit, pourvu que nous demeurions fermes. Et il dit, pourvu que vous demeuriez fermes, verset 22, dans cette bonté, autrement, toi aussi, tu seras retranché. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, oui, moi, je suis déjà sauvé par la foi, hein, je peux marcher dans le péché, dans la compromission. Mon ami, fais attention. D'ailleurs, si tu vis de manière consciente dans le péché, on peut douter même si réellement tu es chrétien. Troisième vérité, Dieu va sauver Israël. Nous voyons ici la souveraineté de Dieu. Cela veut dire que dans les derniers temps, et plus précisément pendant la grande tribulation, après que l'Église soit enlevée, la Bible nous montre qu'il y aura un temps de grâce où Dieu va utiliser la grande tribulation pendant la période de l'Antéchrist. Il va accorder une grâce particulière à Israël pour qu'il soit sauvé et qu'il puisse croire en Jésus. C'est ça l'essence de cette parole de Paul ici. Lorsqu'il dit au verset 24, « Si toi qui as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier ?» Le verset 23 dit, « Et de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. » C'est-à-dire, il va encore leur accorder le salut. Et c'est pourquoi il dit ici, au verset 26, « Ainsi tout Israël sera sauvé. » Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Attention, l'idée ici, quand il dit tout Israël sera sauvé, cela veut dire que ceux-là qui auront cette grâce de croire en Jésus-Christ, ils seront sauvés. Paul ne veut pas dire que même sans la foi en Jésus, Israël sera sauvé. Non, loin de là. Ici, l'apôtre Paul insiste sur la notion de l'élection d'Israël. C'est ce qui a fait que Dieu va se rappeler d'eux. Il va leur accorder cette grâce encore de reconnaître Jésus comme Seigneur. Le verset 28 dit, « En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. » Ils sont ennemis ici, il veut dire, voilà, ils n'ont pas reconnu le Messie. Mais malgré cela, on dit, en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Le verset 29 dit, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui utilisent mal ce passage biblique. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, je peux être homme de Dieu, j'ai l'onction, même si je me mets conduit dans la débauche, je me mets conduit dans l'idolâtrie, Dieu ne serait pas de ses dons et de ses appels. Mon ami, il ne faut pas interpréter comme ça. Il faut comprendre ici, le contexte de ce passage, c'est le contexte d'Israël en tant que peuple élu de Dieu. Nous ne devons pas nous livrer dans le mal, dans le péché, en disant que Dieu ne serait pas de ses dons et de son appel. Bien-aimé dans le Seigneur. Bénissons l'Éternel pour sa grâce, pour toutes ces révélations qui doivent nous aider à nous attacher à lui et à marcher dans la crainte de son nom. Élevons nos voix, chantons ces cantiques. À toi le roi, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage, à toi le roi. À toi le roi éternel, à toi le roi, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. Ouh, à toi le roi. Louange, honneur et gloire. À toi le roi, sois louange, honneur et gloire. À jamais, amen, amen. roi des gloires. Il est digne de tes louanges. Il mérite la gloire, l'honneur. Adore-le. À toi le roi éternel. À toi le roi. À toi Dieu ce sage, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu ce Gloire au Seigneur, élève ta voix là où tu es, bénis l'Éternel pour son amour, pour sa bonté, mais aussi pour sa... sa sévérité. Amen. Notre passage du jour, c'est Romains 11, 11 à 36. Nous sommes à notre émission de prière, OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Vous pouvez réécouter cette émission sur ce site web www.radiofréquencevieenemo.com. Nous venons de voir que la chute d'Israël a rendu le salut accessible à nous qui sommes païens. Disons merci au Seigneur pour cette grâce. Mais qu'en même temps, nous devons marcher la crainte de Dieu. Nous ne devons pas nous glorifier parce que nous qui étions l'olivier sauvage, nous avons été hantés. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force. Très excellent Père, toi qui règnes dans les cieux, toi qui règnes sur toute la créature, toi qui règnes sur tout ce que tu as créé, parce que toute chose a été faite par toi et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans toi. Nous te disons merci ce matin pour la joie que tu nous procures. Nous te disons merci ce matin au Père éternel, parce que c'est un privilège pour nous, nous qui étions perdu. Nous qui étions dans les ténèbres, nous avons été sauvés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. C'est un privilège pour nous, ô Père éternel, et nous te disons merci pour cette grande faveur que tu nous as accordée de devenir enfants de Dieu. Mais nous ne devons pas nous contenter de ce privilège, de cette grâce que tu nous as accordée, parce que nous devons marcher avec toi, avec crainte et tremblement. Tu nous as sauvés, ô Père éternel, tu nous as racheté des puissances des ténèbres pour te servir, pour proclamer ton évangile, pour contribuer à la promotion de l'avancement de ton royaume, pour contribuer à l'expansion du royaume de Dieu et à l'extinction du royaume des ténèbres. Que ton nom soit béni, ô Père éternel. Merci pour ce privilège que tu nous donnes. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Et nous prenons chaque jour l'engagement de te servir. Nous prenons chaque jour l'engagement d'être ému, d'être ébranlé par ta parole et non par ce que nous voyons, non par ce qui se passe autour de nous, parce que nous pouvons tout faire par Christ qui nous fortifie et tu nous soutiens par ta droite puissante. Merci Père pour toutes choses. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous voyons dans ce passage la bonté et la sévérité de Dieu. Nous ne devons pas dire toujours « Dieu est bon », mais que nous ne puissions pas abuser de cette bonté. Parce que s'il a été sévère avec Israël, peuple élu de Dieu, il peut aussi nous corriger. Faisons attention, prions l'Éternel pour que tous ceux qui vivent dans le péché, qui se disent chrétiens, reviennent à la repentance. Prie toi-même, si tu abandonnes le Seigneur, pour que Dieu t'aide à revenir à lui et que tu marches dans la crainte de son nom. Prions le Seigneur. Disons merci, notre Dieu, notre Père, parce que ton Fils bien-aimé Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour chercher les saints, mais pour les pécheurs, dont nous sommes les premiers, notre Dieu, notre Père. Nous voulons ce matin te prier, parce que tu ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il soit sauvé, qu'il regrette ses péchés et qu'il restitue ce qui a été pris, ce qui a été volé. Nous voulons te prier ce matin afin que le Saint-Esprit inonde nos vies, remplisse nos vies, envahisse nos vies pour que nous regrettons notre mauvaise manière de vivre, notre mauvaise manière de nous comporter, afin de revenir à Dieu de tout notre cœur. Comme l'histoire de l'enfant prodige, nous te supplions ce matin, aide-nous à abandonner la mauvaise voie, à abandonner notre Dieu, notre Père, le péché, à venir à toi pour être libéré, pour être affranchi, pour être restauré par le pouvoir de ta parole, le pouvoir de ton esprit. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Le péché nous fatigue. N'as-tu pas dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Nous sommes fatigués par le péché. Nous sommes fatigués par le mensonge. Nous venons à toi ce matin. Lave-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons de voir dans ce passage qu'Israël aura cette grâce de reconnaître Christ comme son Sauveur et son Seigneur. Prions l'Éternel pour que réellement ce peuple-là puisse réellement se tourner vers Christ et que les voiles soient ôtés et que vraiment la promesse divine s'accomplisse envers Israël. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Béni sois-tu le grand, le ressuscité. Seigneur, ta parole dit, ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Seigneur, tu l'as dit et tu ne te répands pas. Tu ne te répands pas de tes dons et de ton appel. Nous savons que ce que tu as dit s'accomplit. Ta parole ne retourne point à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été annoncée. Israël, le peuple de Dieu sera sauvé et nous saurons que tu es Dieu parce que tu as parlé. Merci Père, en ce jour encore, nous avons parmi nous une multitude de connaissances, de frères, d'amis, de collègues, des parents qui ne sont pas encore sauvés. Notre prière ce matin, que tu étends ta main de grâce pour les racheter, pour les rappeler, pour les faire sortir du gouffre, pour les faire sortir des ténèbres, et que cette multitude vienne à toi. Confesse que Christ est Seigneur, confesse que Christ est Sauveur, car tu es le chemin. En dehors de toi, il n'y a point de chemin. Aide-les, Seigneur. Fortifie quelqu'un ce matin. Bénis quelqu'un ce matin. Aide quelqu'un à avancer, à croire, à ne point se décourager et à espérer en toi, en tes promesses. Car tu es Dieu, tu nous aimes, tu nous guéris, tu nous libères, tu nous affranchis. Merci pour ta parole qui s'accomplit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons rappeler que demain, dimanche 28 février, nous aurons notre rencontre Bonheur Conjugal pour le couple marié. Ce sera au CPE, dans la même cour que la radio Fréquente Vie, à Cocody, Cité des Arts. L'entrée libre, thème, la réalité du combat spirituel dans le mariage. Que Dieu vous bénisse.